Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'interludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, mesdames et messieurs, après une petite semaine de congé, nous revoilà encore une fois pour vous parler jeu. Semaine de congé. Ben, en tout cas, pour moi, là, je suis pas venu parce que, entre autres, Monsieur Castegan s'est pointé à Hamilton, Ontario pour aller à Con Bravo. Là, ouais. Je pensais que t'allais dire que j'ai rien fait, moi, là. Là. Non, moi, j'étais en congé. Et M. Castegan est allé faire quelques entrevues, en fait, plusieurs entrevues à cette convention-là, Con Bravo, qui est une convention, Andrew va nous en parler dans quelques secondes, là, plus généraliste. Ben, d'ailleurs, bonjour, M. Andrew, comment ça bonjour, va? Bonjour, M. Michaud. Tanné de faire du char? Tanné, oui, tanné. On rappellera qu'Hamilton, c'est pas à la porte à côté. Google Maps dit que c'est approximativement 8h30 de char pour monter. Ça m'a pris 11 heures et pour en redescendre, ça m'a pris 16 heures. Donc, tenez-vous-le pour dire. Une bonne convention, vous allez voir. Là, on va en parler avec Andrew. Mais c'est quand même du chemin à faire. Et mon ami, Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine. Et on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez aller écouter nos anciennes émissions, podcasts. Et il va en avoir beaucoup des podcasts parce qu'Andrew nous a ramené beaucoup d'entrevues avec des studios indépendants de jeux. Donc, ça va tout se retrouver sur le site en mode podcast et nos anciennes émissions, là, dont celle d'aujourd'hui. Vous allez avoir ça la semaine prochaine en ligne. Et bien évidemment, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Tapez Puissance Maximale dans Facebook et vous allez nous trouver très facilement. Allez appuyer sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, mais aussi ça vous permet d'avoir plein d'informations en exclusivité plus rapidement que les autres par rapport à l'émission. Et vous pouvez toujours rajouter M. Andrew Castegan à vos amis Facebook pour pouvoir nous parler en direct sur les internets. Donc voilà, vous pouvez aller faire ça dès maintenant. Andrew est en ligne. Et pour l'émission d'aujourd'hui, en fait, on va vous parler bien évidemment de Con Bravo. Andrew, tout de suite après la fin de la présentation de l'émission, va nous parler de ses un peu de comment il a trouvé la convention. Et on va avoir tout de suite après deux entrevues qu'il a réalisées. Une avec un gars qu'on aime bien, Puissance Maximale, qu'on fait tourner souvent. Puis là, c'est vraiment con. J'ai pas pensé dans ma sélection de musique d'en mettre. C'est exactement ça que je me disais quand j'ai vu le tune et j'ai fait, tu sais, Mike. J'y ai vraiment pas pensé. Mais on fait une entrevue avec. T'étais un bon disc jockey, mais là, je pense que tu commences à en perdre. Non, je suis toujours excellent. C'est juste que le contexte fit pas. Tel un Pikachu atteint par la rage, je serais obligé de te fusiller. Et ouais, ben. C'est ce qu'il faut faire, semble-t-il. Donc, comme je disais, une entrevue avec M. Brentalfloss, star du web de YouTube, qui fait, entre autres, la série With Lyrics, qu'on fait souvent jouer à l'émission. Donc, Andrew a eu la chance de faire cette entrevue avec M. Floss, ou en tout cas, Brent Black, de son vrai nom. Et aussi, une entrevue avec Pat de Ness Punk, aussi ben, connu sous le nom de son vrai nom. Pat Country. Donc, Andrew a eu la chance de réaliser cette entrevue-là. D'ailleurs, Je t'ai félicité, Andrew, parce que c'est la première fois qu'il faisait des entrevues. Et en plus, il a fait ça en anglais. Donc, soyez indulgents, mais surtout, soyez fiers, parce que c'est vraiment des bonnes entrevues. C'est moi qui ai tout géré ça là, pour l'émission. Donc, félicitations. Mais merci beaucoup, Andrew, d'avoir fait ça pour l'émission. Et vous allez avoir des excellentes entrevues. Puis, juste pour vous dire, peut-être pas tout de suite après l'émission, là, vous allez avoir les... Si vous êtes pas bon en anglais et que vous venez, il comprend pas qu'est-ce qu'il dit, ben, il va avoir un résumé en français. Oui, j'avais oublié de dire que les entrevues étaient effectivement en anglais. Et pour finir l'émission, il y aura une petite critique d'un GN auquel j'ai participé il y a quelques semaines, le GN Sirenti. C'est un GN qui est dans la région de Québec. Je vous en parle en fin d'émission. Et on va aller tout de suite, M. Castegan, avec ton propos. Habituellement, on commence en musique, mais vu qu'on a une grosse émission, j'aime mieux partir tout de suite avec M. Castegan qui va donner ses impressions sur Con Bravo. Donc, on rappelle, le Con Bravo, c'est une convention. C'est un festival généraliste sur la culture geek. Puis là, on a un peu de tout là-bas. Et donc, on l'a dit tantôt, Hamilton, Ontario. Et M. Castegan, premièrement, c'est sur 2-3 jours? C'était sur un soir et deux jours. Donc, en d'autres mots, la formule vendredi soir, samedi, dimanche. Donc, tout est arrivé la veille. Je suis arrivé le plan, c'était arrivé jeudi soir, mais finalement, ça a été vendredi matin à 4h du matin. c'était long. C'était long. Et en passant, je vais en profiter pour passer un message. Si jamais j'entends quelqu'un dire que l'autoroute 40, c'est ennuyeux, je vais lui sacrer un coup de 2x4 dans la face. Parce que vous avez très clairement jamais conduit en Ontario parce que c'est des arbres et des murs anti-bruit qui cachent des arbres. Donc, rien de très palpitant dans. Mais par exemple, les haltes-routières, ils torchent. Je dois donner ça. C'est des stations-service Canadian Tire et il y a des panneurs et Tim Hortons a quasiment toutes les haltes-routières. Fait que si vous êtes fan de Tim Hortons, c'est parfait. Mais si vous avez un goût de McCroquette, prenez votre mal en patience parce qu'il n'y a pas beaucoup de McDo. Tout ce qu'il faut finalement pour réjouir le conducteur. Donc, pour la convention, Andrew, donc 2 jours et disons 2 jours et quart, t'as l'air d'avoir été pas mal occupé parce que il faut compter au-dessus d'une dizaine d'entrevues là, avec tous les petits studios indie que t'as rencontrés. Est-ce que la convention, mettons que si tu te mets en dehors là, de ton rôle de média, est-ce que ça tenait quand même pas mal occupé? En fait, c'est Con Bravo, à l'origine, c'est un festival relax, là, dans le fond, le terme utilisé, je me rappelle pas si c'est exactement ce thème-là, c'est un Con No Baka, je pense, le terme utilisé. Peut-être. Mais bref, c'est un festival où vous êtes pas supposé avoir un horaire surchargé et faire en sorte que vous devez courir partout, c'est supposé être une convention relax, où vous allez pour chiller avec vos amis et tout ça. Sauf que cette année, ça a été particulier parce que ça a été la première année où ils allaient à Hamilton, et là, ils ont essayé de viser un plus gros calibre un peu, en voulant inviter plein d'invités. Il y en avait vraiment beaucoup. Et je dirais que si vraiment votre trip, c'est de rencontrer vos idoles, des choses comme ça, des YouTube stars, des choses comme ça, ben c'est vous allez vraiment être servi à Con Bravo parce qu'il y en a eu une pochetée écart. Sinon, la salle de jeu, ça a été une des meilleures salles de jeu que j'avais vues, mais pas forcément niveau console. Parce que je dirais que à avoir vu plusieurs festivals, je donne la palme d'or à J'ai animé pour la salle de jeu en frais de diversité parce que J'ai animé a une variété de vieilles consoles et de consoles récentes assez impressionnantes. Par contre, au niveau de Con Bravo, on parle ici d'une salle d'arcade, littéralement. Il y avait une machine d'arcade de Miss Pac-Man qui fonctionnait. J'ai pu enfin réaliser. Fait que, il y avait une machine de Miss Pac-Man, il y avait même des vieilles machines d'arcade, dont un vieux jeu de lutte avec Hulk Hogan comme masque effigie, que je me rappelle plus exactement c'est quoi le nom de l'arcade, mais c'était particulier. Un jeu de lutte d'Hulk Hogan sur arcade à la base. Exactement, il y avait aussi des machines à boules, donc c'était vraiment une salle d'arcade. Donc, qu'est-ce qui était annoncé sur le site, c'était pas faux, c'était vraiment là. Il y avait facilement une dizaine d'arcades, sans compter les consoles de salon qui avait aussi de disponibles. Sinon, c'est sûr, par exemple, que... Ah oui, puis aussi, il y avait des tournois qui étaient commentés. Fait que, tu sais, c'était très, très animé en frais de salle de jeu. Sinon, en même temps, il y avait les studios indie qui étaient à même la salle de jeu. Fait que ça permettait quand même d'avoir une bonne visibilité pour les studios indie. Mais sinon, je dirais que La convention était quand même relativement jeune en frais de participants. Donc, je dirais que moi, à mon 25 ans, malgré que vous dites que je suis sûrement pas très, très vieux à 25 ans, je dirais que j'ai trouvé peut-être un peu le public jeune. Mais il faut dire que les conventions, en général, maintenant, on va souvent à des conventions d'animé pour les animés japonais, c'est assez jeune. L'animé était très, très, très présent à Con Bravo, malgré le fait que ce n'est pas un festival d'animé à la base. Mais tu sais, le public de l'anime était très, très présent au niveau de Con Bravo. Je dirais que t'es en frais de festivalier, j'ai eu, mettons que je devrais enlever la passe, mais l'aspect média, j'ai eu plus de fun à GeekFest Montréal qu'à Con Bravo, parce que GeekFest est vraiment pour un public adulte. Donc, tu sais, il y avait vraiment des panels, des conférences, tu sais, c'était vraiment des conférences technologiques sur Apple, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, en tant que technophile adulte, j'ai pu plus me mettre sur la dent à GeekFest qu'à Con Bravo, mais c'est quand même un très beau festival. Puis il y a beaucoup de YouTube stars, justement, dont Brent O'Floss, que je suis un fan fini. C'est finalement ça, il y a les panels, là, c'était beaucoup plus Il y a beaucoup de panels. C'est beaucoup plus les invités, finalement. C'est ça, il y a beaucoup de Q&A des invités, il y a quelques panels des festivaliers, mais les quelques panels que j'avais vus de festivaliers, c'était quelques affaires sur des jeux vidéo ou le cosplay ou des choses comme ça, là. Tu sais, les panels réguliers qu'on voit dans les autres festivals, tandis que comme je disais, à GeekFest, c'était vraiment des grosses communautés de gens du domaine. T'es comme exemple, Mac, je m'en rappelle pas exactement c'est quoi le nom du clan, du c'est groupe. Mac Québec, c'est ça. Mm-hmm. Mac Québec, c'est comme une communauté de gros fans de Mac, là, t'es, qui épluche ça à grandeur, en profondeur et tout. Ben, t'auras pas ce genre de panel-là, genre Con Bravo. C'est plus pour jeunes un peu. Fait que t'sais, si vraiment vous voulez y aller pour en apprendre puis vraiment exprimer votre geekitude à l'extrême, ben c'est, vous allez plus être choyé à GeekFest, mais c'est un très bon festival. T'sais, vous pouvez relaxer puis vous pouvez voir toutes vos stars. Excellent. Donc, pour Con Bravo, un peu loin pour le genre de convention, mais pour les invités, encore, là, cette année, on a le droit vraiment à beaucoup d'invités intéressants. J'ai été déçu de ne pas pouvoir rencontrer Doug Walker, par exemple. Ouais, finalement. C'est une nostalgie critique, ouais. Là. Je devrais dire que j'ai été chanceux toute la fin de semaine. J'ai croisé des invités à plusieurs reprises hors de l'enceinte de la convention. Comme The Game Chaser, j'ai eu l'interview avec Billy, mais il y a Jay aussi, qui est le deuxième Game Chaser, qui n'a pas pu malheureusement être là pendant l'entrevue. Mais je l'avais croisé dans l'ascenseur la veille. Doug Walker, je l'ai vu à peu près 4 fois, mais j'étais pas sur le même étage de lui. Fait que le temps de descendre pour aller le voir, ben, il était plus là. Pro Jared, je l'ai rencontré au bord de l'hôtel. Okay. toutes des affaires de même, là. Je les ai rencontrés. Brent O'Floss, j'ai une photo avec lui sur mon Facebook où je l'ai rencontré dans la rue, en fait, en avant du centre des congrès. Fait que, tu sais, c'est, comme je disais, j'ai été chanceux là-dessus. Mais tu sais, si ça vous tente vraiment de voir vos stars YouTube, tout ça, comme je dis, j'enlève rien contre Bravo. Je me suis fait du fun. C'est sûr, c'est un peu loin pour quelqu'un de Québec, là. Mais tu sais, le monde est hyper accueillant. Même, il n'y a pas eu de barrière de langage. C'est sûr, je parle en anglais, là. Mais tu sais, le monde a été patient. J'ai pas senti de préjugés sur le fait que j'étais francophone. T'étais le bienvenu, finalement. C'est ça, j'étais le bienvenu. Puis, tu sais, je me suis fait du fun malgré tout. Puis, comme je dis, c'est vraiment une convention pour relaxer. Si vous y allez en tant que festivalier, vous allez vraiment relaxer. Vous allez avoir des Q&A. Il y en a aucun qui se chevauche, quasiment, d'ailleurs. Puis vraiment, qu'est-ce qui a fait en sorte que moi, j'étais dans le jeu, c'était vraiment média. Si vous êtes un média comme Puissance Maximale qui parle de l'univers geek, là, au niveau invité, entrevue, vous allez être servi, là. Il y en a du monde là-bas à interviewer, c'est incroyable. J'ai eu le temps d'aller à un Q&A, okay, pour vous donner une idée, là. Alors, finalement, pour les amateurs, déjà, pour voir les invités, là, c'est la place, parce qu'ils ont des bons invités. Petite convention tranquille, relax, aller. Ben, c'est moins chargé que Comic-Con, ouais. T'sais. Ouais. Parce qu'il y en a des stars YouTube à Comic-Con, mais il y a tellement de monde. Que... Ouais, c'est ça, on se sent moins pogné. C'est plus intime, un peu. Les stars prennent le temps de te parler, puis t'sais, c'est très sympathique. Excellent. C'est ça que je trouve excellent à Con Bravo, c'est que t'as comme le petit aspect intime que t'as pas à Comic-Con. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'était génial. Mais comme je dis, t'sais, faut pas aller là puis faire comme, oh mon Dieu, je vais avoir plein d'affaires. T'es comme, la salle marchande est pas extrêmement grande non plus. T'sais, c'est tout dans la moyenne. T'sais, c'est pas un très gros festival, mais t'sais, ça tient occupé, mais faut pas s'attendre à être dans le jus toute la fin de semaine. Là. C'est vraiment pour relaxer. Excellent. Merci beaucoup, Andrew, pour tes impressions sur Con Bravo. Et tout de suite, après la première chanson, ben, on va y aller justement avec deux entrevues que tu as faites. Premièrement avec Brental Floss et après ça avec M. Pat de Nespunk. Donc, on va commencer en musique avec The Black Mages et The Battle with the Four Fiends. Exactement. T'es fort, Mickaël. Solide. Donc, Black Mages, on vous rappelle qu'il fait des reprises métal de chansons de Final, de la franchise Final Fantasy. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Everybody, this is Brental Floss. You're listening to Puissance Maximale. Key change, mofo. Ici Andrew Castegan de Puissance Maximale, de retour encore à Con Bravo pour une entrevue. Maintenant, on parle avec l'homme, le man de la chanson. On a passé beaucoup de tunes de lui à l'émission. Brent Black, a.k.a. Brent Old Floss. Grand fan, on est tous des fans de Puissance Maximale de son œuvre. Et en fait, même nos auditeurs apprécient cet homme. On va lui poser quelques questions. Je l'ai ici. Hello, Brent Old Floss, how are you? I'm good, how are you? Very fine. Do you appreciate the con so far? Yeah, it's pretty fun. It's my first time at Con Bravo, but I'm having a great time. But it's another first time in Canada. That's correct. I've been to Toronto 3 times and Vancouver once. So you pretty much know the Canadians, and I presume you don't like the money, the plastic money. Everybody we ask don't like it. I actually do, you know, because in America, like, it's all the same color, and here it actually, like, if I take a quick look, I can tell, like, you know, pink, blue, or rather purple, blue, green. And I mean, it doesn't bother me. I think it's very strange, and it feels futuristic, but, you know, it's kind of cool. It's, like, technologically ahead of where we are money-wise, so I love it. Perfect. So, Brent Old Floss, you're well known for your web series with lyrics, where you put lyrics at video game song, but you also teach songwriting in some class and camp, and you like to create songs for musicals. Can you tell us about your musical background and your achievements? Sure. I started writing original songs around the age of 12, and that slowly but surely led to me writing original plays and full songs and, you know, theatrical pieces in high school. And wrote my first musical around the age of 17, then continued to write mostly musical theater and some comedy songs, like parody, that kind of thing. My influences being everything from Adam Sandler and Steve Martin all the way over to musicals like Gypsy and, you know, Rocky Horror Picture Show. And so I produced a few musicals in college, and then I went to grad school for musical theater writing at NYU, which is similar to Hogwarts from Harry Potter, because it's very few people there, and they're all there for a very specific, strange reason. So most of my background musically is connected to theater and storytelling. So even though I'm doing a lot of jokes and a lot of parody with the video games, I also try to sometimes encapsulate the story of the game to kind of take people back to the nostalgic time they played it and the story that they played through. And when we watch your videos on YouTube, we can always appreciate a certain level of qualities. How much time and money on average do you put in every video or song? It really wildly ranges. Sometimes I can, you know, go from writing the first word of a lyric to a released video in 2 or 3 weeks. There have been some where it took 2 years. Now, that's never me working every day for all 2 years, but writing a lyric is the kind of thing for me where once it's written, sometimes I like to let it sit for a month or two just because I'm better at revising it when I leave it alone and then come back to it. Other times there are considerations such as animation. I've spent sometimes thousands of dollars on animated projects because good animators cost money. But some videos are almost free, you know, like I did a video called Nintendo Me Channel with lyrics, which had pretty much no props that I didn't own, double negative there. But just, you know, I just had to turn the lights on and shoot the video, and it was fine. So it does wildly range, but I guess on average you're looking at like maybe $25 to $50 worth of props or costumes per video, and on average maybe 4 to 5 months from the first idea to the actual release of the video. In the production process, are you the only one behind all this, or do you have a team in the shadows for the cuts and the special effects? You know, every video is different. I do have a sound engineer who mixes and masters most of my songs nowadays named Joe Skinner. My girlfriend is definitely a support system. Even if it's in an unofficial context, she still is there to, you know, sometimes focus the camera and generally just deal with me when I'm cranky because a video is not happening fast enough. But for special effects, I often do them myself because it's usually, as you've seen from my videos, very low-tech, intentionally bad Photoshop. But occasionally I will outsource that stuff. And friends of mine like Sean Capel in New Jersey and other friends of mine who are better at special effects than I am, I'll ask them to do a few shots just to raise the production value and make it look a little bit nicer. So far you've done collaboration with Pat the Nez Punk and Dave Ballmer from the UK. For example, when you do collaboration, are you the one asking them for being in the process, or do you receive the invitation to do so? Well, I usually try to be the asker because I always have much better luck in those situations. I find that if somebody asks me, it's sort of, you know, often they're an unknown quantity. But if I already know their work and respect it and I approach them, it usually works better because, I, you know, it's flattering to be asked, but also it just frames the situation better. I'm a bit of a control freak, I'll be honest. But, you know, Dave Bulmer, for instance, is someone who I followed his a cappella vocal work for years and specifically sought him out and went, we've got to do something. Like, he made this 16-minute song a few years ago that was all a cappella. And when I heard it, I was like, if he can do a 16-minute song, we can throw something together in three, you know, that's 3 minutes long and make it great. So yeah, the answer is usually I'm seeking them out. Yeah, it's, you know, I try to take the lead, but often people that I work with that are very good, you know, they have their own ideas, and it's really great to share and build it together. Are you planning further collaboration? If yes, can you tell us on which song? So here's what I can tell you. Here's, because I can't divulge everything. What I know is I'm planning a collaborative tune. I can't say who with, but a collaborative tune with, or sorry, about the game BioShock Infinite. Probably going to be a barbershop quartet style there. I'm also planning a collaborative song about Ocarina of Time. And what I can tell you is I am not anywhere near as big of a fan of Ocarina of Time as most people. So I needed somebody else to sort of offset me so I'm not just this big bad villain who hates the game when everyone in the world loves the game. So it'll be me and someone else who likes it, and I'm trashing it and they're loving it. So those are a few collaborations that in the next 6 months to a year will happen. Since we're talking about future project, do you plan a Sega song someday, like Sonic, wink wink? Well, actually, I recently did a panel called Write a Lyric with Brennelfloss at the Screw Attack convention, where we added lyrics collaboratively, me and the audience at the panel, to Sonic Green Hill Zone theme. But I don't know if I'll ever do a Sega tune, because I feel like it's been so long. I mean, it wouldn't be that hard. It's more that I don't have the same nostalgia and love for Sega as I do for Nintendo, because my only exposure to Sega was playing it occasionally at my friend's house growing up, but it was never the system that I had of my own. I never was as emotionally connected to Sonic as, say, Mario or Link or Samus Aran. So I'm sure at some point there will be a Sega song. There's some great tunes from the Sega Genesis generation, particularly Toe Jam and Earl, some of the Sonic tunes. Casino Night theme, for instance, or the Robotnik theme from Sonic 2. So it's not like I definitely know that there's good tunes out there. It's more that I wonder if it'll seem sort of inauthentic because I really don't have much love for the games in my old nostalgic kind of childhood heart. And in 2011, you start a webcomic series related to video games. Why have you decided to start a project like this, and what are the goals you want to reach with this? To explore your multiple talent for fun? Well, it actually wasn't my idea. I was approached by a guy named Dan Roth, who's since become my friend and business partner, and he just felt like the Brennelfloss brand, which was one that sometimes broadly makes fun of video games through song, could do it in smaller chunks and do it in small strips where maybe a joke that didn't fit into a lyric could make it into a comic, that kind of thing. Right now, our goals with the comic are just to basically continue seeing what we can do with it. And it was an experiment from the start. It was never really the kind of thing where we had a business plan or a goal and we need to reach this much by this time. So really, if there's any goal, it's just always trying to make the next one good and trying to, you know, like if you have an off day, because, I mean, when you release two comics a week the entire year, every year, they're not all going to be 100% winners, but trying to make sure that in the near future you have one that really makes you, the creator, laugh. Because at some point, if I don't like the actual stuff that I'm releasing as a viewer, as a reader, if it doesn't tickle me, it's probably not going to tickle anybody else. So that's the goal, if any. And we know that your webcomic project, and we're not working alone, like you said. There is somebody drawing for you. I don't remember exactly the name. Andrew Dobson, who also goes by Tom Preston. Perfect. And we have noticed that at the beginning of the comics, you were the central point of the story when it have a story. And now, when we look at them, it seemed to be more game-related than you. So we're wondering, was your partner tired of drawing you? I don't think so. He never said that. But what I do know is that we realized that the comics that were doing well and showing up on Reddit and showing up being blogged and all that stuff tended to be the ones that were just a single joke that was either about pop culture or nerd stuff or video games. And there came a point where we didn't really enjoy the overarching narrative, and the audience didn't really seem to be sinking their teeth into the overarching narrative of the characters that were loosely based on my life. So we kind of went, okay, if we don't like this as much and the audience doesn't like it as much, why are we doing it? Let's slowly transition to a place where the Brent character is occasionally there when we need an everyman or we just need a stand-in human, but let's make it a little bit more about the one-off jokes about the video game worlds or the situations in real life that we're satirizing. Perfect. So just one final question to conclude this. Fan always appreciate to see you live at the show and gigs and everything. Do you have any show plans for Canada or somewhere this year or maybe next year? Well, so I did Fan Expo Vancouver in April, and I'm actually obviously here. But also next month in Toronto, I'm doing Toronto's Fan Expo, and that'll be, I believe, the weekend of August 22nd. There's definitely no one in the room mouthing the words to me of the dates. I definitely know these dates. But anyway, yeah, right around August 22nd through the 24th, somewhere in there. It's on my website, brentalfloss.com/shows. And I'm doing a show with Sean Hatton. It's called Nerd Noise Night. It's going to be off-site, not at the convention, but at a... you're going to have to go to the website. I'm doing like 10 shows this summer, so I've got quite a bit of things rolling around in my head. But yeah, brentalfloss.com/shows. It's a show in Toronto that weekend. Thank you, Brent. I wish you luck for all your projects and everything on your channel, maybe a third album and everything. And we really love you in Présence Maximale, and we wish you luck with all our hearts. Thanks so much. It's been a pleasure. Transformers! Something evil Hi, this is Pat Contry, the NES Punk, and you're listening to Puissance Maximale. Bonjour, ici Andrew Castegan de Puissance Maximale, en direct de Con Bravo. Je suis ici en train de faire une interview avec Pat Contry, alias Pat de NES Punk, collectionneur de jeux, star du web et aussi personne ramassant de l'argent pour la charité. Donc, on va y poser des questions. Juste pour vous assurer, l'interview va être à 100% en anglais, mais une transcription en français va être disponible sur le site de Puissance Maximale. Hi, Pat, how are you? I'm doing fine, how are you? Very fine. Do you like the con so far? Yes, it's a lot of fun. It's very busy, running around, meeting lots of people, shaking hands, kissing babies, that whole thing, selling DVDs. Yeah, it's fun. Perfect. So, Pat, you're a web star, a game chaser, a money collector for charity. Just one moment. Okay, charity. But first of all, you're a Nintendo fanboy and lover. So where does that love come from? Well, I think a lot of times you love the first system you grew up with. And I grew up with the NES as a child, and, you know, the first really major gaming memories I had was, you know, you go into a department store and you have a Nintendo display out in front of you, and you have a demonstration unit set up, and you play through like 12 different Nintendo games, and it just sort of catches your eye, and it's magical. And the first NES games were different than like the Atari games, because the NES games had like characters that you could sort of identify. Like, you played a game like Pitfall, you couldn't really identify with Pitfall Harry because he was just a bunch of little pixels. But Mario looks like a character. Donkey Kong's a real character. So I think that sort of gets ingrained in your head as a young child. Then after that, it's just, you always go back to that first experience. So many persons know you because of your web series Pat the NES Punk on YouTube. Would you more consider Pat the NES Punk as a character or honestly yourself? I think it's a mix of both. It's like an exaggeration of my real self. I mean, because obviously, to be a big video game collector, you have to be a little unbalanced, at least a little bit like crazy, in order to fill your home with like thousands of video games. It's kind of insane to think about. Because what are they? They're just video games. But yeah, I mean, the show has a sense of humor that's a little bit eccentric and quirky, and I guess I'm a little bit. So that's where the writing for that comes from. So yeah, I guess you can say it reflects my personality, but also it accentuates, you know, a lot of the extreme parts of it at the same time. And also, people know that you do some game chasing activities. You go to swap meetings and things like that. Can you tell us if you have reached a satisfying quantities of video game in your collection? A satisfying quantity or amount of video games? I guess so. I mean, I'm running out of room to put them, so it has to be a good amount by now. I mean, I've been going to flea markets for probably 12, 13 years, like regularly, so I just amassed a lot of stuff that, again, it's a shame to say, but I won't play half the games I have. I don't have the time to do it, so what's the point? I'm just going to sell them right now. No. But yeah, it's a fun activity. It's more about the chase, I guess. So even if you get to a point where there's no more games I can get for the NES, I'm never going to find a game in a swap meet that I don't have for the NES. A lot of other systems, it's hard for me to find games nowadays anyway that I don't have. So why do I do it? It's like the thrill of the hunt. It's like almost like the rush you get from gambling. You get up in the morning at 6:30 to go out to a swap meet, walk around, you're half asleep. But for what? To find something that you don't know is going to be there, and it's like a fortune. It's like a treasure you're finding. That, and that's a lot of it, is that sort of rush, because you don't know what's out there until you go. And your name is Pat the NES Punk, and we're wondering, are you only collecting Nintendo stuff, or it's video game in general? I collect everything. I have systems that most people haven't heard of. I have a Fairchild Channel F small collection. I have something called the APF MP1000, which is an esoteric system. I love all video games from all sort of generations. So, it's everything. Mainly the NES. The NES has a lot of quirky games, more so than any other system, because it had a lot of unlicensed games. Nowadays, there's almost no such thing as an unlicensed game for new systems. But back then, people were putting out games that Nintendo didn't want out there, but they still got out there. So that's interesting. Plus, Nintendo had a lot of different like accessories and controllers. Nintendo had about 100 different controllers. People don't realize, just like really strange stuff that I don't even have most of it. So for that stuff, at least, I can always find new weird accessories that Nintendo, that's why it's the most interesting video game system to collect for is the NES. And since 3 years, you're collecting money for Child's Play Charity to 24 Hours NES Marathon. Can you tell us why did you choose Child Play Charity? It's a really cool cause because the money goes to hospitalized children, and it sort of connects like gaming, which is what I do, what we love, with a good cause, like these unfortunate children. So it's giving back to them a little bit at the same time. Plus, they build up a great sort of a network through PAX, who set it up, and so it just made sense to do Child's Play Charity for the first few years, and I'll probably do it again for the fourth year as well. And they've been very supportive also in helping like promote the events, and that's why they've grown year after year. I think last year we raised somewhere between 16,000 and 18,000 we raised in 24 hours, which is pretty good for only 24 hours, I think. So yeah, looking forward to doing it again this October. And last year during your third annual NES Marathon, you did a collaboration with Brentel Floss for your parody of Bohemian Rhapsody. Did you plan other collaboration in a close future with him or other web star guests? Yeah, there's always collaborations planned. I don't do a lot of them just because I'm sort of weird in the fact that I need to have a really solid idea to do it. You know, like the same thing with James. Like James and I, we throw around ideas before. We may or may not work again. I don't want to give anything away. But we have to have a really good idea because you don't get a lot of opportunities to work with people. So you have to make sure you have a solid foundation of something that's not just a cheap sort of, oh, I appear in your video and that's it. It has to be something good and memorable. And that's why the idea I did with James, I thought a lot of people marked that as one of his better videos because it's something different from the rest and it's something we both really, you know, put a lot of time and thought into with the whole experience. But yeah, there's people out there that have said they want to work with me again, people I've worked with that I'll probably work with again at some point. It's just the timing. It's, we all live so far apart. That's the thing. It's just like we have to fly out to each other or come to an event like this. So it's tough, but it will happen again. You will see me in a video with other people. Also, for your other plans in the future, do you plan another DVD release, other marathon, other participation in Canadian convention? Can you tell us about your further project? Oh, sure. So I'm going to do the fourth annual NES Marathon sometime in October, since I've been doing it in October. So that's going to be coming up again. I will be putting out a Volume 3 DVD set probably maybe early winter. I'm not exactly sure. Probably in time for MAGFest in January. That's when I'll probably have it. In terms of Canadian events, none that I know of. I mean, the issue with that is that I'm in like the furthest away on the continent. I'm in Southwest U.S. in San Diego. It's a long distance, so it's not cheap to fly to Canada from there. Unfortunately, I can't drive, so it's tough to come out to Canada. It really is. But hey, maybe if someone wants to help me get out here for one, I'll come back for sure. I mean, it's great meeting Canadians. There's no Canadians in San Diego. There's none. It's like one maybe. So I mean, it's fun meeting you guys. Everyone's really super nice. I know it's a stereotype about Canadians that you're nice, but you really are nice, which is great. The money's a little weird. Can't get used to that, but everything else is fine. And what was the other thing? Oh yeah, and then I have another writing project that's in the work that I can't really reveal about right now. But I've been working on it for a few months already, and that'll probably be early next year, hopefully, too. Perfect. Thank you, Pat, for the interview. I wish great luck and continuation with your project and big money for the next marathon for Child's Play, since it's for a good cause. And thank you again for the interview. Thank you very much. La maladie du préjugé ronge notre monde où triomphe le mensonge. On exclut trop de gens dont la faute est de ne pas être comme les autres. Prenez par exemple les homophobes. Ils ne peuvent pas sortir du garde-robe. Un coming out et tout est foutu. On les boude, on les fuit, on les hue. Il y a aussi les batteurs de femmes. On les blâme comme si c'était un drame. Qu'ils ne soient pas de parfaits hommes roses et qu'ils causent de petites échymoses. Et encore, il y a les proxénètes. Vous devriez voir comme on les traite. Bien qu'ils donnent tous les jours de l'ouvrage à des femmes menacées de chômage. Même les nazis sont stigmatisés. Dès qu'on voit qu'ils portent la croix gammée, on refuse d'ouvrir le dialogue, particulièrement dans les synagogues. Mes amis nécrophiles ont la frosse. La police est toujours à leur trousse. pensent pourtant leur façon de se faire du fun. Au fond, ça ne fait de mal à personne. Mais les plus mal vus sont les pédos. Tout le monde grimpe dans les rideaux. Simplement parce qu'ils aiment les enfants. Différemment de nos grands-mamans. Moi, là, je m'ouvre à la différence. Oh, oh, oh, oh. Une ronde, nous y ferons entrer tout le monde, y compris Luca Rocco Magnotta, Guy Cloutier et Carla Homolka. Car Jésus a créé les humains pour qu'ils se donnent tous la main. Alors ouvrons nos cœurs à l'amour et nous vivrons heureux pour toujours. La la la la la la la la. Hi, I'm Michael Todd, and this is Cassie Chu from Michael Todd Games. We made Electronic Superjoy, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après deux excellentes entrevues réalisées par M. Castegan lors de Con Bravo. Ça de là, je me DS après des mots que je n'ai pas supposé. Ouais, ouais, c'est ça. Ah. Tu mets des choses au pluriel qui ne devraient pas l'être en anglais. Mais tu sauras que c'était des entrevues version 1. Quand j'aurai d'autres entrevues, ce sera des versions 2.0 encore plus meilleures, encore plus dynamiques. Et j'aurai pas 10 minutes top chrono pour les réaliser. Mais merci beaucoup, Andrew, d'avoir réalisé ces entrevues-là qui sont des excellentes entrevues avec M. Brentalfloss et Pat de Nespunk. Il y en a beaucoup plus. Et oui, que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Puissance Maximale en mode podcast avec, en fait, Game Chasers et aussi les studios indie que M. Ouais, Castegan des petites capsules d'à peu près 5 minutes. Ouais. Il y en a eu deux qui avaient plus de stock à dire. Ça a plus joué dans 10 minutes, là, mais... Vous allez voir, ça va s'en venir graduellement sur le site de Puissance Maximale dans les prochaines semaines. Faut nous laisser le temps. Yes. Et là, mesdames et messieurs, après avoir entendu en plus des excellentes chansons comme la chanson thème du film Transformers, et là, je parle pas des horribles films de Michael Bay, mais du voyons, film. Voyons, ils sont super bons. Ben oui. Et du film Transformers des années 80, le film animé où il y a eu malheureusement, il y a eu la mort d'Optimus Prime. Ben, c'était cette chanson-là. Et ensuite, l'excellent Mon Serge avec La maladie du préjugé. Je n'ai pas tant écouté de Transformers que ça de ma vie, mais je dois avouer que ce film-là... Là, il est épique, hein? Je t'avais fait écouter ça. J'ai pas eu le temps dans ma jeunesse de m'attacher autant à Optimus Prime et... C'est épique, là, la mort de... Cette scène-là, j'ai fait un... Il n'est pas mort pour rien, en plus. Non, c'est ça. Donc, après toute cette bonne chanson et ces entrevues, on va y aller avec une critique GN. Et oui, mesdames et messieurs, ça fait... En fait, je pense qu'on n'en a jamais fait depuis que... En tout cas, moi, depuis que je suis arrivé à l'émission... Il y a eu Philippe de Rouville qui était venu, mais ouais. C'était son GN. Qui était venu nous parler de son GN. Mais là, je vous parle d'un GN où je suis allé les 19, 20 et 21 juillet dernier. Le GN s'appelle Syranty, donc S-Y-R-A-N-T-Y. Et ça se passe à Saint-Apollinaire, tout près de Québec, à peu près en 20 minutes... En auto, en direction de Montréal, sur l'autoroute 20. C'est pas Saint-Apollinaire, c'est Saint-Apo. Tout le monde connaît ça sous le nom de Saint-Apo. Ouais, mais pas tout le monde à la radio. Donc, Saint-Apollinaire. Organisé par un gars avec qui, en fait, un ami, là, avec qui je faisais des jeux de rôle à l'époque du cégep, et là, fil en aiguille comme ça, invité à son GN. Puis là, je me suis pointé là avec ma troupe, en fait, avec mes amis de toujours, et aussi, c'est ma troupe de GN. Avec qui je vais justement en GN habituellement. Donc, on faisait un groupe de barbares, hommes du Nord, slash écossais, slash ben des affaires. C'était assez mix comme groupe, là, pour le concept. Mais bref, on est arrivé là, on était 6, et on s'est fait du fun, on a vraiment aimé ça. En fait, je vais vous parler, il y a quelques critiques, bien évidemment, ce n'est pas que du positif, parce qu'il n'y a rien de 100%... de 100% bon dans la vie, mais on s'est fait beaucoup de fun parce que on s'est premièrement, on allait là sans les attentes. On s'est présenté là. On est une gang pas mal baston, mais aussi roleplay. Puis on voulait pas arriver dans un GN, nous. En fait, c'est un GN 16 ans et plus. Déjà, ça aide un peu. Côté baston, pour pas que ça soit, parce que nous on est assez physique dans nos combats, donc on veut pas taper sur des jeunes un peu trop fort, parce que tu veux pas frapper des enfants. Non, c'est pas dans mes prérogatives au visage. Non, donc combat, écoutez, côté combat, on aimait ça. Un problème qu'on a décelé dans le GN, qui n'est pas super grave, mais vu que les organisateurs à la fin, justement, ont demandé à tout le monde de leur envoyer leur opinion et tout, déjà là, bonne organisation, parce qu'ils sont à l'écoute de leurs joueurs, ça, c'est vraiment le fun. Autant avant, après, que pendant le GN, s'il y a des problèmes, on peut aller les voir sans problème, c'est une gang, puis c'est pas juste parce que c'est un ami à nous, c'est vraiment, il était de même avec tous les joueurs. Donc, une ouverture au niveau de l'organisation, c'est un gros plus. Pendant tout le GN, ou avant, pendant, après, déjà là, c'est un gros plus. Donc, ils nous avaient demandé de pouvoir en parler. Bien, je fais un peu le porte-parole de mon équipe en même temps, en parlant à puissance maximale. Peut-être un problème au niveau des compétences, il y en a trop, en fait. Ça n'a pas été si mal rendu sur le terrain, c'était quand même assez bien joué. Sauf que, des fois, on a tendance à pouvoir s'y perdre. Ça comprend aussi le combat. Donc, ce serait peut-être au niveau des compétences, c'est notre goût aussi comme groupe, là, on est comme ça, mais de tendre vers plus le réalisme, dans le sens où, si t'es pas capable de faire un vol, ben, je trouve qu'avec une compétence vol, ça peut amener le metagaming. Donc, tu sais, le gars, il fait oui, je fais ma compétence vol, je vole d'un truc, puis il s'en va. Théoriquement, de façon roleplay, on le sait pas, mais il y a toujours place avec certains joueurs au metagaming, c'est qu'il faut toujours faire attention à ça. Donc, au niveau du vol, au niveau de certains types, justement, de compétences de combat, et aussi avec des fois un peu trop de magie, ce qui fait que ça peut arrêter l'action pendant le combat, ça, c'est moins immersif un peu. À ce niveau-là, il y aurait peut-être des ajustements à faire. C'est rien de super grave, parce que nous, on a quand même aimé notre expérience, mais ça serait peut-être à réviser. Point positif au niveau des compétences d'armes, des fois des gènes qui sont trop restrictifs au niveau des armes. Je sais, quand t'es un guerrier, t'es capable de soigner une épée ou une masse, là. Ça prend pas 26 000 sortes de compétences pour pouvoir soigner ça. Donc, eux autres, c'est pas trop compliqué. Une main, deux mains, des petites sous-catégories pas trop compliquées. Ça, j'ai bien aimé ça. Ce que j'ai bien aimé aussi au niveau, il y a des backgrounds aussi, des avantages qu'on peut donner à nos personnages, fameux, riches, et des trucs du genre qui peuvent alimenter le background. Si on décide justement de se faire, ben moi je suis un riche marchand, ben il y a les compétences qui suivent, il y a les avantages qui suivent pour nous backer, pour nous faire des personnages plus crédibles. Donc ça aide. C'est plus au niveau des compétences, justement, de vol, il y a aussi une compétence de fouille que je trippe moins un peu, où on fait ça pour fouiller le gars. Non, fouille le gars. C'est-à-dire, quand tu vas être honnête, tu mets ton argent, tu mets tes trucs sur toi, on place en jeu, puis le monde qui te fouille, ben, il le trouve ou il le trouve pas. C'est des trucs du genre, là, que j'ai moins trippé, mais au niveau des compétences d'armes, ça va bien de l'allure. Ça, dans le fond, qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'au niveau des compétences, au lieu d'avoir des compétences pour toutes les actions, qu'est-ce qui peut se faire d'une façon real life, dans la vraie vie, c'est là, en plein ça, qu'une compétence n'a pas besoin d'être là pour justifier si t'es capable de le faire ou pas, ben tu trouves qu'il devrait juste éliminer ces compétences-là pour alléger le système alléger de jeu. Alléger le système de jeu, alléger aussi le fait qu'en jeu, pour arrêter un peu les arrêts de jeu, comme tu sais, il y a une compétence aussi de camouflage dans le bois. C'est-à-dire, je pense qu'on peut essayer de se cacher dans le bois sans être obligé d'avoir une compétence. Donc, aller de temps justement, comme Andrew dit, là, ce qui se fait dans la vraie vie, on enlève ça, on y va vers les compétences réelles des joueurs, comme pour le combat. Mais là, ça va au combat, il n'y avait pas d'affaires qui fait que tu tapes 26. Toutes les armes tapent 1, à moins de certains pouvoirs, mais c'était quand même assez rare. C'était quand même assez balancé à ce niveau-là, mais c'est ça, c'est dans ces compétences-là de tendre vers plus le réalisme, vers les compétences des joueurs. Mais écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé les interactions qui ont été amenées. Des exemples rapides, il y avait un marché à un moment donné où il y avait différents marchands qui venaient vendre des breloques, des bijoux, des potions, une gitane qui faisait de la divination. Donc ça amène quand même une animation au niveau, pas vraiment du village, parce que c'est un terrain où il n'y a pas encore beaucoup de bâtisses. C'est dans, il y a aussi un autre gène qui se fait là qui s'appelle Orion, pour ceux qui connaissent un peu les gènes dans le coin de Québec. Donc, il y a pas beaucoup de bâtisses pour le moment. Ça se construit tranquillement. Donc, ça amène justement une animation au niveau du terrain. Il y avait eu une révolte de paysans le samedi matin que mon groupe s'est fait voler des trucs. C'est qu'on est allé faire des, questionner des gens. Ça nous a, tu sais, ça amène une dynamique intéressante sur le terrain. Et un tournoi où, tu sais, en même temps que le marché, il y a un tournoi de combattants. C'est toujours le fun. Surtout que, comme j'ai dit, nous autres, on est une gang qui est plutôt guerrier. Donc, on a beaucoup aimé ça. Et, petit truc aussi, on a improvisé un mariage politique vers la fin du gène entre mon personnage, Igloo, chef du clan Winterwolf, genre, ben, justement, on est une gang d'hommes du Nord, donc, on s'est, mariage politique, les organisateurs ont embarqué à fond, les autres joueurs à qui on a proposé le mariage ont embarqué aussi, ça a vraiment fait une scène vraiment intéressante, drôle aussi, mais un bon roleplay, donc, le monde sur le terrain est le fun, les organisateurs sont vraiment, vraiment bons dans l'interaction puis dans l'ouverture auprès des joueurs, juste, un ajustement au niveau du système de jeu, de combat et des compétences, y allant en diminuant, aller vers plus justement la compétence des joueurs réels. Je pense que ce GN-là gagne à être connu. Donc, pour la prochaine activité, ça se passe le 23, 24, 25 août prochain à Saint-Apollinaire. Allez sur Facebook, tapez Syranty, S-Y-R-A-N-T-Y. Vous allez les trouver. Faut poser des questions aux organisateurs. L'adresse du terrain est là, tout est là. Donc, voilà. Syranty GN dans la région de Québec, Saint-Apollinaire. Un rendez-vous pour les... C'est un petit GN, ça commence. Je pense que c'est la deuxième année, donc arrivez pas là à 26, là. Mais arrivez-vous une petite gang comme nous autres, là, vous allez vous faire du fun, c'est sûr et certain. Puis le monde embarque dans vos concepts de perso à fond. Vous allez vous faire du fun. C'est déjà la fin de Puissance Maximale. Merci beaucoup, Monsieur Castegan, pour les nombreuses entrevues, le voyage à Côte-Bravo et tout ce beau don, là, comme oui, ça, Puissance juste Maximale. Pour vous avertir, il manque deux capsules qui vont être plus longues avant d'apparaître. La première étant du Michael Todd Game Studio, parce qu'il était trop fatigué lors de la journée où j'avais mon enregistreuse. Et Mark, le président, j'oublie son nom de famille. Oui, le président de Côte-Bravo. Le président qui va faire une entrevue post. C'est Mark P. Jan qui va faire son entrevue post-convention en différé avec moi, car il y a eu des incendies à éteindre. Incendies, c'est en langage convention. C'est ouais. Des problèmes urgents. Et voilà, donc ça s'en vient. Merci Andrew. Mon nom est Michael Michaud, votre animateur. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est internet www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions et podcasts sur Facebook, Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Et mesdames et messieurs, comme à chaque semaine, on vous dit passez une excellente semaine de jeu. Reference tool, and when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify, it's D&D. Virgins till the day we one, two, three, four, die.